Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, deuxième paragraphe, troisième section. Imitation de Marie dans son amour envers Dieu et envers le prochain. Ce serait une entreprise à n'en pas finir que de vouloir traiter en détail de toutes les vertus, dans lesquelles Marie s'est rendue notre modèle, et nous devons chercher à l'imiter, comme étant ses enfants. On a parlé dans la première partie, au moins en passant, de plusieurs vertus que Marie a portées à un degré suréminent. Ici je me contenterai d'ajouter à ce qui a été dit précédemment quelques réflexions touchant l'obligation que nous avons de l'imiter dans la charité, qui est la reine de toutes les vertus. Déjà nous avons entrevu combien cette vertu brilla en Marie, en considérant son double amour pour Dieu, et pour le prochain. Le précepte de l'amour de Dieu, dit l'angélique docteur, saint Thomas, ne peut être accompli avec toute la perfection possible que par les bienheureux, qui, n'étant plus distraits par aucun soin, aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Si pourtant il y eut jamais quelqu'un qui parvint à l'accomplir sur la terre, comme les bienheureux l'accomplissent dans le ciel, ce fut certainement Marie, selon la remarque que fait à ce sujet le bienheureux Albert le Grand. Heureux si nous pouvions nous aussi être toujours appliqués à aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur et de toutes nos forces, sans qu'aucune créature ne fût capable de détourner notre attention. Ce bonheur, nous n'en jouirons point ici-bas, mais seulement dans le ciel. Nous devons cependant faire tout ce que nous pouvons, nous devons nous efforcer d'imiter en ce point Marie, notre mère. Si nous ne pouvons obtenir qu'il n'y ait plus dans notre esprit et dans notre cœur autre chose que Dieu, nous devons au moins faire en sorte de n'aimer jamais rien plus que Dieu, contrairement à la volonté de Dieu, ou autant que Dieu. Et cela, notez-le bien, tombe sous le précepte, cela est absolument indispensable pour opérer le salut, ce n'est là que le plus bas degré de la charité, et celui qui n'atteint pas au moins ce degré ne satisfait en aucune manière au commandement. Ainsi parle saint Thomas, saint Thomas 2, 184-3. Il ne s'agit donc pas ici d'un point de surérogation, mais d'un point tout à fait essentiel à la vie chrétienne, absolument indispensable au salut éternel. Nous ne devons rien aimer plus que Dieu, par conséquent nous ne pouvons préférer aucune chose à Dieu. Tout est périssable ici-bas. On perd les biens, on perd les amis, on perd les titres, on perd la santé, on perd la vie même, mais on ne perd point Dieu. Rien contrairement à la volonté de Dieu, par conséquent gardons-nous de placer jamais nos affections dans les choses que Dieu ou l'Église nous ont interdites, rien autant que Dieu. Par conséquent, ne divisons pas notre cœur pour en donner une partie à Dieu et l'autre aux créatures, car au moment même où nous prétendrions élever dans notre cœur un second autel pour y placer une vaine idole, Dieu s'en serait déjà éloigné. Ainsi donc s'il se présente une occasion d'offenser Dieu, ou d'offenser un ami, il n'y a pas à balancer ni à délibérer pour savoir lequel des deux mérite la préférence, parce qu'une telle délibération, si elle est volontaire, suffirait pour chasser Dieu de notre cœur. Non, non, pas tant d'hésitation, pas tant de perplexité, jura vie et statui, psaume 118, 106, devons-nous dire, j'ai déjà délibéré, Seigneur, j'ai juré, j'ai résolu de garder votre justice, et votre loi. En venant au monde j'en ai apporté l'obligation indispensable, je l'ai ratifié cette obligation dans le Saint-Baptême, Alors que j'ai renoncé au monde et à ses vanités, aux démons et à ses suggestions, il n'est plus temps de rétracter ce que j'ai si solennellement promis à la face de l'Église et en votre présence. Que jamais, Seigneur, je ne trahisse mes engagements, que jamais je ne vous abandonne, vous, la source des biens infinis, mon premier principe, ma dernière fin, mon souverain et unique bien, mon Dieu et mon tout. Exerçons-nous fidèlement à acquérir ce premier degré du divin amour, car cet exercice nous disposera à nous élever ensuite au degré supérieur, si nous ne pouvons parvenir à aimer Dieu avec autant de perfection que Marie. Il sera grand et beau du moins de s'en être approché le plus possible. Un habile maître aurait tort de prétendre que tous ses disciples parvinssent à l'égaler, mais il a droit d'exiger qu'ils tâchent de l'imiter pour autant que leur capacité le leur permet. On dit fort bien que telle pierre précieuse imite, ou rend l'éclat du soleil, quoi que l'on sache qu'entre l'éclat du soleil et celui de la pierre précieuse il y a une distance presque infinie. Aimons donc notre Dieu, aimons-le autant que nous le pouvons d'après la grâce que nous en avons reçue, et nous serons heureux, sans atteindre ce degré de béatitude auquel est parvenue Marie. Nous serons trop contents d'y participer un peu à notre manière. Il est une chose toutefois bien digne d'observation, c'est que nous ne devons jamais volontairement nous arrêter, croyant avoir assez fait, non dans l'amour de Dieu, on peut toujours croître, on peut toujours aller en avant tant qu'on vit sur la terre, s'arrêter volontairement à un degré, ce serait nous exposer au danger évident de perdre celui que nous avons déjà acquis. Aimons Dieu. Aimons aussi notre prochain. Nous tenons ce commandement de Dieu, dit l'apôtre de l'amour, Saint Jean, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Ces deux amours sont tout à fait inséparables, et ils se sont concentrés à un sublime degré dans le cœur de Marie. Imitons Marie dans son amour envers Dieu, et imitons-la dans son amour envers le prochain. Mais de quelle manière faut-il aimer son prochain? Comme soi-même. Voici ce qui dit tout, nous devons l'aimer comme Jésus nous a aimés, voici ce que je vous recommande surtout, dit Jésus-Christ, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés, Jean 15, 12. Nous devons l'aimer comme Marie nous a aimés et nous aime encore. Nous devons l'aimer d'un amour pur, universel, efficace. D'un amour pur, quant à son motif. Quel est le motif pour lequel Marie nous aime? La réponse saute aux yeux, ce motif, c'est Dieu. Marie nous aime, parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle voit en nous l'image et la ressemblance de Dieu, parce qu'elle sait tout ce que nous avons coûté à son divin Fils, qui, par amour pour nous, nous a donné son sang et sa vie même. Tels sont par conséquent les motifs qui doivent nous porter à aimer notre prochain ratio diligendi proximum Deus est, dit le docteur Angélique. Nous ne devons pas l'aimer par inclination, par sympathie, ou pour tout autre motif faible et vil. L'amour qui n'est appuyé que sur de tels motifs est un amour faux, un amour frivole, qui existe aujourd'hui et demain se changera en haine. Des motifs plus nobles doivent guider un enfant de Marie dans l'amour du prochain, il lui faut des motifs plus relevés, plus forts, plus immuables. Je dois aimer mon prochain, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce qu'il est racheté par le précieux sang de Jésus-Christ, parce qu'il est capable d'être un jour mon compagnon dans la gloire céleste. Celui qui aime de la sorte, aime d'un amour de charité chrétienne, il aime d'un amour pur, et aussi d'un amour universel. Son amour n'est pas borné à telle ou telle personne, mais il s'étend à tous les hommes, il les embrasse tous. Citoyens et étrangers, chrétiens et infidèles, barbares et scythes, amis et ennemis. Oui, la charité chrétienne doit s'étendre jusqu'aux ennemis, et il importe de bien entendre et de bien pratiquer ce point, si nous ne voulons nous faire illusion. La charité chrétienne ne sera pas véritable tant qu'elle ne s'étendra pas aux ennemis, à ces personnes même qui nous ont fait, ou qui nous font du mal. Aimez vos ennemis, pour que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans le ciel. Matthieu 5, 44. Est-il nécessaire d'être enfant de Dieu? Désirons-nous l'être? Désirons-nous aussi être enfants de Marie? Aimons nos ennemis. Ici point d'excuses, point de tergiversation, il faut se résoudre, mais que dis-je, se résoudre? Et ne serait-ce pas un mal, comme nous l'avons dit, de délibérer un seul instant sur la résolution à prendre? Déjà elle doit être prise. Oui, Seigneur, j'ai résolu d'aimer tous les hommes, même ceux qui m'auraient fait du mal, même ceux qui seraient mes ennemis. Je dois les aimer, non pour quelque raison qui se trouve en eux, mais pour vous, pour votre amour parce que vous me le commandez, parce que vous m'en avez donné l'exemple. Et quel exemple Jésus ne nous a-t-il pas donné? Romains 5, 8, 9. Tandis que nous étions encore les esclaves du péché, Jésus-Christ est mort pour nous, et Marie a consenti à ce que son divin Fils marchât au supplice, qu'il répandît le sang puisé dans ses propres veines, pour notre salut, à nous pécheurs, ennemis de Dieu aussi bien que les siens. Oh, apprenons de Marie comment nous devons aimer notre prochain, c'est-à-dire non seulement d'un amour pur, non seulement d'un amour universel, mais encore d'un amour efficace. L'amour que Jésus et Marie nous ont porté ne consiste pas dans de simples affections, dans de vaines paroles, mais il s'est manifesté et il se manifeste par des faits. Jésus ne s'est pas contenté de nous dire qu'il nous aime, mais pour nous prouver son amour il nous a sacrifié sa vie, et maintenant assis à la droite de son Père, il intercède sans cesse pour nous, Hébreux 7, 25, auprès de lui, il plaide notre cause, il montre à son Père ses plaies divines, le sang qu'il a versé pour notre salut, afin d'apaiser sa justice irritée par nos péchés. Marie exerce en proportion le même office, elle nous a donné Jésus, et maintenant dans le ciel elle intercède pour nous, elle ne se lasse pas de défendre nos intérêts, elle nous aime donc en œuvre et en vérité. C'est précisément ainsi que nous devons en agir, ne nous contentons pas d'aimer le prochain en parole, aimons-le en œuvre, aimons-le en vérité, Jean 3, 18. Ne nous contentons pas de payer le prochain de belles paroles, mais faisons encore ce que nous pouvons pour le soulager dans ses besoins, tant corporels que spirituels, selon que notre condition et nos forces nous le permettent. Ce que nous ferons à notre prochain pour l'amour de Marie, elle le regardera comme fait à elle-même. Remarquez-le, parmi les devoirs des enfants se trouve celui de secourir sa mère dans son indigence. Marie n'est plus sujette à aucun besoin par elle-même, c'est chose bien certaine, nous ne devons pas cependant nous croire dispensés du devoir de l'assistance, et nous avons un excellent moyen de nous en acquitter. Si Marie n'est nullement dans l'indigence, ses enfants n'y sont que trop. Elle nous les recommande, elle veut que nous lui montrions par là notre bon cœur, et la générosité que nous devons avoir à son égard, en qualité d'enfant dévoué et affectueux. Donnons donc, et il nous sera donné. Dieu et Marie nous traiteront avec la même mesure dont nous aurons usé envers le prochain par un motif de charité. Si nous ne pouvons exercer la miséricorde d'une manière, exerçons-la d'une autre, Si nous ne sommes pas en état de soulager nos frères dans leurs besoins corporels, tâchons de le faire dans les nécessités spirituelles. Et si nous ne pouvons faire autre chose, prions de bon cœur Dieu et Marie de les aider. Je viens, mon cher lecteur, de vous exposer en peu de mots les points sur lesquels nous devons imiter Marie d'une manière toute spéciale. Heureux, si nous tâchions de marcher toujours sur ses traces, elle nous reconnaîtrait pour ses véritables enfants, ce qui revient à dire que nous aurions un gage de la vie éternelle. Il est bien d'autres perfections dans Marie que j'aurais pu proposer à votre imitation, mais je me suis borné à ces trois articles principaux: humilité, conformité à la volonté de Dieu, charité. Si nous possédions ces trois vertus, nous les posséderions toutes, nous serions heureux. Ô Marie, notre mère, nous voulons être vos enfants obéissants, nous voulons pratiquer tout ce que vous nous enseignez et que vous nous commandez, mais vous savez qu'il ne nous suffit pas, à nous, de connaître nos devoirs pour les remplir. Nous avons besoin en outre de la grâce et de l'assistance divine, qui nous aide non seulement à connaître, mais à agir. Obtenons donc ce secours, ô Mère des grâces divines. C'est dans vos mains que reposent les célestes trésors. Ouvrez donc vos mains et remplissez nos esprits et nos cœurs et toutes les puissances de notre âme des bénédictions célestes. Alors nous vous servirons en enfants dévoués. Nous serons obéissants à vos préceptes, nous vous louerons, nous vous bénirons dans tous les siècles des siècles. Amen. Markandanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.